Emma Orzic. Le mystère du château de Fordwich. Chapitre 1. Est-ce encore étonnant que lorsque certains de nos collègues les plus compétents du Yard étaient démunis, le chef se tourne instinctivement vers Lady Molly? Le mystère du château de Fordwich, comme tout le monde l'appelait, était une affaire qui, plus que tout autre, nécessitait du tact féminin, de l'intuition et toutes ces qualités que Milady possédait plus que de coutume. À l'exception de M. McKinley, l'avocat, et du jeune Jack d'Albuquerque, il n'y avait que des femmes impliquées dans l'affaire. Si vous avez un tant soit peu étudié Debrett, vous savez aussi bien que moi que la Perry est l'une de ces vieilles noblesses anglaises qui remontent à quelque 600 ans et que l'actuelle Lady d'Albuquerque est baronne de plein droit, le titre et les domaines étant transmis aux héritiers généraux. Si vous avez lu attentivement ce même volume intéressant, vous aurez également découvert que feu Lord d'Albuquerque avait deux filles, l'aînée, Clémentina Cecilia, l'actuelle baronne qui lui a succédé, et l'autre, Margaret Florence, qui a épousé en 1884 Jean Laurent, un Français que Debrett décrit vaguement comme de Pondichéry en Inde, et dont elle eut deux filles, Henriette Marie, héritière de l'ancienne baronnie d'Albuquerque de Fordwich, et John, né 2 ans plus tard. Ce mariage de l'honorable Margaret Florence d'Albuquerque avec le jeune et fringant officier de la Légion étrangère semble avoir été entouré d'un certain mystère ou d'un certain romantisme. À l'époque, le vieux lord d'Albuquerque était ambassadeur britannique à Paris et il semble qu'il ait émis de sérieuses objections à cette union, mais Miss Margaret, faisant ouvertement fi du mécontentement de son père et jetant la prudence aux orties, s'était enfuie de chez elle un beau jour avec le capitaine Duplessis et, de Pondichéry, a écrit une lettre abrupte à ses parents pour leur annoncer son mariage avec l'homme qu'elle aimait le plus au monde. Le vieux lord d'Albuquerque ne s'est jamais remis de l'obstination de sa fille. Il semble qu'elle ait été sa préférée et que son mariage secret et sa tromperie lui aient pratiquement brisé le cœur. Il resta cependant bienveillant à son égard jusqu'à la fin, et lorsque la première petite fille est naquit, et que le jeune couple sembla être dans une situation difficile, il leur accorda une allocation jusqu'au jour de la mort de sa fille, qui survint 3 ans après sa fugue, à la naissance de son deuxième enfant. Lorsqu'à la mort de son père, l'honorable Clémentina Cecilia accéda au titre et à la fortune, elle considéra qu'il était de son devoir de prendre soin de l'enfant aîné de sa défunte sœur, qui, à défaut de son propre mariage et de sa descendance, était l'héritière de la baronnie d'Albuquerque. C'est ainsi que Mademoiselle Henriette Marie Duplessis vint, avec le consentement de son père, habiter chez sa tante au château de Fordwich. Debrett vous dira d'ailleurs qu'en 1901, elle prit le nom d'Albuquerque au lieu et place du sien par licence royale. À défaut, le titre et la succession reviendraient d'abord à sa sœur Joan, puis à un cousin assez éloigné, le capitaine John d'Albuquerque, actuellement jeune officier dans la garde. D'après ses domestiques, l'actuelle baronne d'Albuquerque est très volontaire, mais par ailleurs, ni plus ni moins excentrique que le serait une vieille fille de la campagne du Nord qui aurait eu une position aussi exceptionnelle à tenir dans le monde social. Le seul trait positif de son caractère, par ailleurs peu aimable, est la grande affection qu'elle porte à l'enfant de sa défunte sœur. Mademoiselle Henriette Duplessis d'Albuquerque a hérité de son père français des yeux et des cheveux foncés et un teint quelque peu basané, mais c'est sans doute de son ascendance anglaise qu'elle tient sa carrure un peu masculine et son goût prononcé pour toutes les activités de plein air. Elle est très athlétique, pratique l'escrime et la boxe, monte à cheval et tire remarquablement bien. D'après tous les témoignages, le premier signe de trouble dans cette magnifique demeure a coïncidé avec l'arrivée à Fordwich d'une jeune et très jolie visiteuse, accompagnée de sa servante, une femme métisse au visage sombre et au tempérament revêche, mais manifestement dévouée comme un chien à sa jeune maîtresse. Cette visite semble avoir surpris toute la maisonnée du château de Fordwich, madame n'en ayant rien dit jusqu'au matin même où les invités étaient attendus. Elle ordonna alors brièvement à l'une des bonnes de préparer une chambre pour une jeune femme et d'installer un petit lit de camp dans une salle d'habillage adjacente. Même mademoiselle Henriette semble avoir été surprise à l'annonce de cette visite, car selon Jane Taylor, la camériste en question, il y a eu un violent échange de mots entre la vieille dame et sa nièce, cette dernière achevant l'âpre discussion par ces mots « De toute façon, tante, il n'y aura pas de place pour nous deux dans cette maison. » Après quoi, elle sortit de la pièce en claquant la porte derrière elle. Très vite, la maisonnée comprit que la nouvelle venue n'était autre que mademoiselle John Duplessis, la sœur cadette de mademoiselle Henriette. Il semble que le capitaine Duplessis soit mort récemment à Pondichéry et que la jeune fille ait alors écrit à sa tante, Lady d'Albuquerque, pour lui demander aide et protection, ce que la vieille dame a naturellement considéré comme de son devoir de lui accorder. Il apparaît que Miss John était très différente de sa sœur, car elle était petite et belle, d'apparence plus anglaise qu'étrangère, et avait des manières agréables et délicates qui la firent rapidement apprécier par la maisonnée. La dévotion qui existait entre elle et la femme métisse qu'elle avait ramenée de l'Inde était en outre unique. Il semble cependant qu'à partir du moment où ces nouveaux venus sont entrés dans la maison, les dissensions, qui dégénèrent souvent en violentes querelles, sont devenues l'ordre du jour. Henriette aurait ressenti une forte aversion pour sa jeune sœur, et plus particulièrement pour la sombre accompagnatrice de cette dernière, vaguement connue dans la maison sous le nom de Runa. Les domestiques de Fordwich étaient presque sûrs que des événements d'une grande importance se profilaient à l'horizon. Au dîner, le majordome et les valets de pied entendirent des bribes de conversation qui semblaient de très mauvais augure. On parlait d'avocats, de preuves, d'actes de mariage et de naissance, et l'on s'empressait de se taire lorsque les domestiques se trouvaient dans les parages. Madame avait l'air terriblement anxieuse et inquiète, et elle et mademoiselle Henriette passaient de longues heures enfermées ensemble dans un petit boudoir, d'où provenaient des bruits inquiétants de pleurs déchirants de la part de madame et des paroles violentes et colériques de la part de mademoiselle Henriette. M. McKinley, l'éminent avocat londonien, descendit deux ou trois fois à Fordwich et eut de longues conversations avec madame, après lesquelles les yeux de cette dernière étaient très gonflés et rouges. La maisonnée trouvait plus qu'étrange que Runa, la servante indienne, soit presque invariablement présente lors de ses entretiens entre M. McKinley, madame et Miss John. Pour le reste, la femme se tenait très à l'écart. Elle parlait très peu, ne faisait attention à personne, sauf à madame et à sa jeune maîtresse, et les accès de colère de mademoiselle Henriette semblaient la laisser tout à fait indifférente. Un fait étrange était qu'elle avait pris une soudaine et grande envie de fréquenter une petite chapelle de couvent catholique qui était distante d'environ 1 kilomètre du château, et il fut bientôt entendu que Runa, qui était une Parsie, avait été convertie par le prêtre qui s'en occupait à la foi catholique. Tout cela s'est passé, remarquez-le, au cours des 2 ou 3 derniers mois. En fait, Miss John était au château depuis exactement 12 semaines, lorsque le capitaine Jack d'Albuquerque est venu rendre à sa cousine l'une de ses visites périodiques. Dès le début, il semble s'être pris d'une grande affection pour sa cousine John, et bientôt, tout le monde s'aperçut que cette affection mûrissait rapidement en amour. Il est également certain qu'à partir de ce moment, les dissensions entre les deux sœurs devinrent plus fréquentes et plus violentes, l'opinion généralement admise étant que mademoiselle Henriette était jalouse de John, tandis que Lady d'Albuquerque elle-même, pour une raison inexplicable, semblait voir ses amours d'un mauvais œil. C'est alors que survint la tragédie. Un matin, John descendit en courant, pâle et tremblante de la tête aux pieds, gémissante et sanglotante en courant. « Je le savais! Je le savais !» Le capitaine Jack la rencontra par hasard au pied de l'escalier. Il la pressa de questions, mais la jeune fille était incapable de parler. Elle se contenta de montrer du doigt l'étage supérieur. Le jeune homme, véritablement alarmé, courut rapidement à l'étage supérieur. Il ouvrit la porte qui conduisait à la chambre de Runa, et là, à sa grande horreur, il vit la malheureuse femme étendue sur un petit lit de camp, un mouchoir sur le nez et la bouche, la gorge tranchée. Le spectacle était horrible. La pauvre Runa était manifestement morte. Sans perdre sa présence d'esprit, le capitaine Jack referma tranquillement la porte, après avoir instamment prié John de se calmer et d'essayer de tenir le coup, du moins jusqu'à ce que l'on puisse envoyer chercher le médecin local et annoncer doucement la terrible nouvelle à Lady d'Albuquerque. Le médecin, convoqué en toute hâte, arriva une vingtaine de minutes plus tard. Il ne put que confirmer les craintes de John et du capitaine Jack. Runa était bel et bien morte, en fait, elle l'était depuis plusieurs heures. Chapitre 2. Dès le début, le public s'est intéressé, plus que d'habitude, à ce mystérieux événement. Le jour même du meurtre, les journaux du soir s'enflammaient avec de gros titres tels que « La tragédie du château de Fordwich »,« Meurtre mystérieux d'un témoin important », »,« Des accusations graves contre des personnes de la haute société », et ainsi de suite. À mesure que le temps passait, le mystère s'épaississait, et je suppose que Lady Molly devait se douter que, tôt ou tard, le chef devrait compter sur son aide et ses conseils, car elle m'envoya assister à l'enquête et me donna l'ordre strict de garder les yeux et les oreilles ouverts sur chaque détail en rapport avec le crime, aussi insignifiant qu'il pût paraître. Elle-même était restée en ville, attendant une convocation du chef. L'enquête s'était déroulée dans la salle à manger du château de Fordwich et la noble salle était pleine à craquer lorsque le coroner et les jurés prirent finalement place après avoir vu le corps de la pauvre femme assassinée à l'étage. La scène était assez dramatique pour plaire à n'importe quel romancier, et un silence impressionnant s'abattit sur la foule, lorsque, juste avant le début des débats, une porte fut ouverte et que la baronne d'Albuquerque entra, raide et droite, escortée de sa nièce, Mademoiselle Henriette, et suivie de près par son cousin, le capitaine Jack. Le visage de la vieille dame était aussi indifférent et hautain que d'habitude, de même que celui de son athlétique nièce. Le capitaine Jack, quant à lui, avait l'air troublé et rougeau. Tout le monde remarqua que, dès son entrée dans la pièce, ses yeux se portèrent sur une petite silhouette sombre, silencieuse et immobile, assise à côté de celle corpulente du grand avocat, M. Hubert McKinley. Il s'agissait de Mademoiselle Joan Duplessis, vêtue d'une simple robe d'étoffe noire, dont le jeune visage était pâle et baigné de larmes. Le docteur Walker, le praticien local, fut, bien entendu, le premier témoin appelé à la barre. Sa déposition était purement médicale. Il déclara avoir examiné le corps et constaté qu'un mouchoir saturé de chloroforme avait été pressé contre les narines de la femme, probablement pendant qu'elle dormait, sa gorge ayant ensuite été tranchée avec un couteau bien aiguisé. La mort avait dû être instantanée, car la pauvre femme ne semblait pas s'être débattue du tout. En réponse à une question du coroner, le médecin déclara qu'il n'était pas nécessaire de faire preuve d'une grande force ou d'une grande violence pour commettre l'acte horrible, puisque la victime était indéniablement inconsciente au moment de l'acte. En même temps, l'assassin avait fait preuve d'un sang-froid et d'une détermination hors du commun. Le mouchoir fut présenté ainsi que le couteau. Le premier était de couleur vive et devait appartenir à la défunte. Le second était un couteau de chasse étranger, démodé, faisant partie d'une panoplie et d'autres armes qui ornaient un coin du hall. Il avait été trouvé par l'inspecteur Elliot dans une touffe d'ajoncs sur le terrain de golf voisin. Il ne faisait aucun doute qu'il avait été utilisé par le meurtrier, puisqu'au moment de sa découverte, il portait encore des traces de sang. Le capitaine Jack fut le témoin suivant. Il n'avait pas grand-chose à dire, car il avait simplement vu le corps de l'autre côté de la pièce. Il avait refermé immédiatement la porte et, après avoir prié sa cousine de se calmer, avait appelé son propre valet pour l'envoyer chercher le médecin. Certains domestiques du château de Fort Wish furent appelés et tous témoignèrent de la curieuse taciturnité de l'Indienne qui la laissait assez isolée parmi ses compagnes de service. La femme de chambre de Mademoiselle Henriette, Jane Parlett, avait cependant un ou deux faits plus intéressants à rapporter. Elle semble avoir été plus intime avec la défunte que n'importe qui d'autre, et, à une occasion au moins, elle avait eu une conversation assez confidentielle avec elle. Elle parlait surtout de sa maîtresse, dit Jane, en réponse à une question du coroner, à laquelle elle était très dévouée. Elle m'a dit qu'elle l'aimait tellement qu'elle serait prête à mourir pour elle. Bien sûr, j'ai pensé que c'était une idiotie et que c'était un discours d'étrangère, mais Runa s'est mise en colère quand je me suis moqué d'elle, puis elle a défait sa robe par devant et m'a montré des papiers qui étaient cousus dans la doublure de sa robe. Tous ces papiers représentent la fortune de ma petite mademoiselle, me dit-elle. Runa les garde au péril de sa vie. Quelqu'un doit tuer Runa avant de les lui prendre. C'était il y a environ 6 semaines, poursuivit Jane, tandis qu'un étrange sentiment de crainte semblait s'emparer de toutes les personnes présentes. Dernièrement, elle était devenue beaucoup plus silencieuse, et lorsque j'ai parlé des documents, elle s'est retournée vers moi comme une sauvage et m'a dit de tenir ma langue. Lorsqu'on lui demanda si elle avait parlé de l'incident des papiers à quelqu'un, Jane répondit par la négative. « Sauf à Mademoiselle Henriette, bien sûr, » ajouta-t-elle après un léger moment d'hésitation. Pendant tous ces interrogatoires préliminaires, Lady d'Albuquerque, assise entre son cousin, le capitaine Jack, et sa nièce Henriette, était restée silencieuse et hautaine, dans une attitude droite, exprimant une indifférence hautaine. Henriette, elle, avait l'air de s'ennuyer. Une ou deux fois, elle avait bâillé de façon audible, ce qui avait provoqué un sentiment de colère contre elle, parmi les spectateurs. Une telle insensibilité, au milieu d'une tragédie si mystérieuse, et alors que sa propre sœur était visiblement empreinte d'une si profonde douleur, impressionna tout le monde de façon très défavorable. Il était de notoriété publique que la jeune femme avait pris une leçon d'escrime juste avant l'enquête, dans la pièce immédiatement inférieure à celle où Runa gisait morte, et que, dans l'heure qui suivit la découverte de la tragédie, elle jouait calmement au golf. La parole fut ensuite donnée à Mademoiselle Dionne du Plessis. Lorsque la jeune fille s'avança, il y eut dans la salle ce silence impressionné qui s'abat sur un public attentif, lorsque le rideau est sur le point de se lever sur l'acte crucial d'une pièce dramatique. Mais elle était calme et maîtresse d'elle-même et d'un aspect merveilleusement pathétique dans son noir profond, avec les lignes de chagrin évidentes que la triste mort d'une amie fidèle avait tracées sur son jeune visage. Dans sa réponse au coroner, elle donna son nom, Dionne Clarissa du Plessis, et déclara brièvement que, jusqu'au jour de la mort de sa domestique, elle avait résidé au château de Fort Wish, mais que, depuis lors, elle avait quitté ce domicile temporaire et s'était installée à l'Albuquerque Arms, une petite auberge paisible située à la périphérie de la ville. Ceux qui n'étaient pas au courant de ce fait éprouvèrent un net sentiment de stupeur, puis le coroner dit gentiment « Vous êtes née, je crois, à Pondichéry, en Inde, et vous êtes la fille cadette du capitaine et de Madame Duplessis, qui était la propre sœur de Madame ?» « Je suis née à Pondichéry, » répondit tranquillement la jeune fille, « et je suis le seul enfant légitime de feu le capitaine et de Madame Duplessis, la propre sœur de Madame. » Une vague de sensations, rapidement réprimée par le coroner, traversa la foule à ces mots. L'accent mis par le témoin sur le mot « légitime » ne pouvait tromper et chacun sentait que là devait se trouver l'indice du mystère, jusqu'ici impénétrable, de la mort de l'Indienne. Tous les regards se tournèrent alors vers la vieille dame d'Albuquerque et sa nièce Henriette, mais les deux femmes poursuivaient ensemble une conversation à voix basse et avaient apparemment cessé de s'intéresser à la suite des événements. « La défunte était votre bonne attitrée, n'est-ce pas ?» demanda le coroner après une légère pause. « Oui. Elle est venue en Angleterre avec vous récemment ?»« Oui, elle devait m'accompagner pour m'aider à faire valoir mes droits en tant qu'unique enfant légitime de ma défunte mère et donc héritière de la baronnie d'Albuquerque. » Sa voix avait un peu tremblé en disant cela, mais maintenant, alors qu'un silence haletant régnait dans la salle, elle semblait faire un effort visible pour se contrôler, et, répondant à la question du coroner, elle donna un compte rendu clair et satisfaisant de sa terrible découverte de la mort de sa fidèle domestique. Son témoignage dura environ un quart d'heure, quand soudain, le coroner lui posa la question capitale. « Savez-vous quelque chose à propos des papiers que la défunte portait sur elle et dont il a déjà été question ?»« Oui, » répondit-elle tranquillement, « c'était l'épreuve de mes prétentions. Mon père, le capitaine Duplessis, avait, dans sa prime jeunesse et avant de rencontrer ma mère, contracté une union secrète avec une femme métisse qui était la propre sœur de Runa. Lassé d'elle, il choisit de la répudier, elle n'avait pas d'enfant. Mais la légalité du mariage n'a jamais été remise en question. Après cela, il épousa ma mère et sa première femme mourut par la suite, principalement d'un cœur brisé, mais sa mort ne survint que 2 mois après la naissance de ma sœur Henriette. Mon père, je pense, avait été amené à croire que sa première femme était morte environ 2 ans auparavant, et il a sans doute été très choqué lorsqu'il s'est rendu compte du grave préjudice qu'il avait causé à notre mère. Afin d'arranger les choses, lui et elle se sont mariés sous une nouvelle forme, légale cette fois, et mon père a donné beaucoup d'argent aux parents de Runa pour que l'affaire soit étouffée. Moins d'un an après ce second et unique mariage légal, je suis née et ma mère est morte. » Alors, ces papiers dont on a tant parlé, en quoi consistaient-ils ? Il y avait les actes de mariage de la première femme de mon père et 2 déclarations sous serment concernant sa mort, 2 mois après la naissance de ma sœur Henriette, l'une par le docteur Reynaud, qui était à l'époque un médecin bien connu à Pondichéry, et l'autre par Runa elle-même, qui avait tenu sa sœur mourante dans ses bras. Le docteur Reynaud est mort et maintenant Runa a été assassinée et toutes les preuves sont parties avec elle. » Sa voix s'était brisée dans un sanglot qu'elle a rapidement réprimé avec une maîtrise certaine. Dans ce tribunal bondé, on aurait pu entendre une épingle tomber, tant la tension était grande, tant l'excitation et l'attention étaient intenses. « Ces papiers sont donc restés en possession de votre femme de chambre. Pourquoi ?» demanda le coroner. « Je n'ai pas osé emporter les papiers avec moi, » répondit le témoin, tandis qu'une curieuse expression de terreur se lisait sur son jeune visage, fixant sa tante et sa sœur. Runa ne voulait pas s'en séparer. Elle les portait dans la doublure de sa robe et la nuit, ils étaient sous son oreiller. Après sa mort et après le départ du docteur Walker, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de prendre possession des papiers qui représentaient pour moi tout mon avenir et que je souhaitais alors confier à M. McKinley. Mais, bien que j'aie soigneusement fouillé le lit et tous les vêtements à côté de ma pauvre Runa, je n'ai pas trouvé les documents. Ils avaient disparu. Je n'essaierai pas de vous décrire la sensation provoquée par la déposition de ce témoin. Tous les regards passaient de son jeune et pâle visage à celui de sa sœur, assise presque en face d'elle, haussant ses épaules athlétiques et regardant la jeune et pathétique femme devant elle avec une indifférence insensible et hautaine. Maintenant, hormis ce qu'en ont relaté les journaux, dit le coroner après une pause. « Savez-vous quelque chose de la vie privée de votre défunte servante ? Avait-elle un ennemi, ou peut-être un amant ?»« Non, » répondit la jeune fille, « toute la vie de Runa était centrée sur moi et sur mes besoins. Je l'ai souvent suppliée de confier nos papiers à M. McKinley, mais elle ne voulait faire confiance à personne. J'aurais voulu qu'elle m'obéisse, gémit involontairement la pauvre fille, et je n'aurais pas perdu ce qui représente pour moi tout mon avenir, et l'être qui m'aimait le plus au monde n'aurait pas été assassiné de façon aussi abjecte. Bien sûr, il était terrible de voir cette jeune fille porter instinctivement, et sûrement sans le vouloir, une accusation aussi terrible contre celle qui se tenait si près d'elle. Personne ne pouvait nier que l'affaire était devenue désespérément complexe et mystérieuse. Pouvez-vous imaginer l'effet qu'eut sur toutes les personnes présentes l'histoire, si pathétiquement racontée, de cette jeune fille qui était venue en Angleterre pour faire valoir ses droits qu'elle estimait justes et qui, d'un seul coup, voyait ses droits rendus très difficiles à prouver par l'assassinat ignoble de son principal témoin? Les déclarations de M. McKinley, l'avocat, montrèrent clairement que la demande était sérieusement compromise par la mort de Runa et la disparition des documents. Il ne pouvait pas dire grand-chose, bien sûr, et ses déclarations n'auraient jamais dû être considérées comme des preuves réelles, parce que Runa et John ne lui avaient jamais fait entièrement confiance et n'avaient jamais réellement placé les preuves de la revendication entre ses mains. Il avait certainement vu l'acte de mariage de la femme du capitaine Duplessis et une copie de cet acte, comme il a très bien dit, pouvait facilement être obtenue. La femme semblait être décédée pendant la grande épidémie du choléra de 1881, lorsque, en raison du grand nombre de décès, de la tromperie et de la dissimulation pratiquées par les autochtones à Pondichéry et de la supériorité du gouvernement français, les certificats de décès furent établis de manière très désinvolte et souvent incorrecte. Runa était venue en Angleterre, prête à jurer que sa sœur était morte dans ses bras 2 mois après la naissance de l'aîné des enfants du capitaine Duplessis, et il y avait le témoignage sous serment du docteur Reynaud, mort depuis. Ses déclarations sous serment, M. McKinley les a vues et lues. Par contre, la seule preuve qui restait de la justesse de la revendication de John Duplessis était le fait que sa mère et son père avaient vécu une seconde forme de mariage quelque temps après la naissance de leur premier enfant, Henriette. Ce fait n'était pas nié et, bien sûr, il pouvait être facilement prouvé, si nécessaire, mais même dans ce cas, il n'était pas concluant. Il impliquait la présence d'un doute dans l'esprit du capitaine Duplessis, doute que la seconde cérémonie de mariage avait peut-être permis de dissiper, mais elle n'établissait en rien l'illégitimité de sa fille aînée. En fait, plus M. McKinley parlait, plus tout le monde était convaincu que le vol des papiers avait tout à voir avec le meurtre de la malheureuse Runa. Elle ne voulait pas se séparer des preuves qui représentaient la fortune de sa maîtresse et elle avait payé son dévouement de sa vie. Plusieurs autres témoins furent ensuite appelés à la barre. Les domestiques furent interrogés en détail, le médecin fut rappelé, mais malgré de longs et difficiles efforts, le coroner et le jury ne mirent pas en lumière un seul fait réel en dehors de ceux déjà énoncés. L'Indienne a été assassinée. Les papiers qu'elle portait toujours sur elle avaient disparu. Au-delà, rien. Un mur impénétrable de silence et de mystère. Le majordome du château de Fordwich n'avait certainement pas vu le couteau avec lequel Runa avait été tuée à sa place habituelle le matin suivant le meurtre, mais pas avant, et le mystère avait encore gagné en intensité du fait que le seul achat de chloroforme dans le district avait été effectué par la victime elle-même. Un jour, 2 ou 3 semaines auparavant, elle s'était rendue chez le pharmacien local et lui avait montré une ordonnance pour le nettoyage des cheveux qui nécessitait un peu de chloroforme. Il lui en donna une très petite quantité dans un minuscule flacon que l'on retrouva par la suite vide sur sa propre coiffeuse. Personne au château de Fordwich ne pouvait jurer avoir entendu un bruit inhabituel au cours de cette nuit mémorable. Même John, qui dormait dans la chambre voisine de celle où reposait l'infortunée Runa, affirmait n'avoir rien entendu d'anormal. mais la porte de communication entre les deux chambres était fermée et le meurtrier avait été rapide et silencieux. C'est ainsi que cette enquête extraordinaire s'acheva, laissant dans son sillage un air de sombre suspicion et d'horreur inexplicable. Le jury rendit un verdict de « meurtre volontaire par une ou plusieurs personnes inconnues » et l'instant d'après, Lady d'Albuquerque se leva et, s'appuyant sur le bras de sa nièce, sortit discrètement de la pièce. Chapitre 3. Deux de nos meilleurs hommes du Yard, Pegram et Elliot, furent laissés en charge de l'affaire. Ils restèrent à Fordwich, la petite ville voisine, de même que Mademoiselle John, qui avait élu domicile à l'Albuquerque Arms, tandis que je retournais en ville immédiatement après l'enquête. Le capitaine Jack avait rejoint son régiment et, apparemment, les dames du château avaient repris leur existence tranquille et luxueuse, comme auparavant. La vieille dame menait sa propre vie, quelque peu isolée et semi-royale. Mademoiselle Henriette faisait de l'escrime et de la boxe, jouait au hockey et au golf, et, au-dessus du beau château et de ses hautaines habitantes, planait, comme un vilain oiseau de proie, la présence menaçante d'un soupçon sans nom. Les deux dames pouvaient bien choisir de faire fi de l'opinion publique, mais l'opinion publique était contre elles. Personne n'osait formuler d'accusation, mais tout le monde se souvenait que Mademoiselle Henriette avait, le matin même du meurtre, joué au golf dans le champ où le couteau avait été découvert, et que si Mademoiselle John du Plessis ne parvenait jamais à faire valoir ses droits à la baronnie d'Albuquerque, Mademoiselle Henriette en resterait la détentrice incontestée. Aussi, lorsque ces dames passaient en voiture dans la route du village, personne n'a baissé son chapeau pour les saluer, et lorsqu'à l'église, le pasteur lisait le sixième commandement « Tu ne commettras point de meurtre », tous les yeux se fixaient avec une crainte effrayante sur la vieille baronne et sa nièce. Un somptueux isolement régnait au château de Fordwich. Les quotidiens se montraient de plus en plus sarcastiques à l'égard des autorités de Scotland Yard et le public de plus en plus impatient. C'est alors que le chef, désespéré, envoya chercher Lady Molly. Le résultat de cette entrevue fut que je fis à nouveau le voyage jusqu'à Fordwich, mais cette fois en compagnie de ma chère Lady, qui avait reçu carte blanche du quartier général pour faire tout ce qu'elle jugeait bon dans l'intérêt de l'enquête sur ce crime mystérieux. Elle et moi arrivâmes à Fordwich à 20 heures après la longue attente habituelle à Newcastle. Nous nous installâmes à l'Albuquerque Arms et, au cours d'un dîner hâtif et très mauvais, Lady Molly me donna un bref aperçu de ses plans. « Je peux voir chaque détail de ce meurtre, Mary, » dit-elle sérieusement, « comme si j'avais vécu au château pendant tout ce temps. Je sais exactement où nos camarades se trompent et pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre. » Mais bien que le chef m'ait donné carte blanche, ce que je vais faire est si irrégulier que, si j'échoue, je serai probablement congédié sur le champ, tandis qu'une partie de la disgrâce te collera à la peau. Il n'est pas trop tard, tu peux encore te retirer et me laisser agir seul. » Je l'ai regardé en face, ses yeux sombres brillaient. Ils avaient le pouvoir de double vue ou d'une intuition merveilleuse des humains et des choses. « Je suivrai ton exemple, Lady Molly, » ai-je dit calmement. « Alors, va te coucher maintenant, » répondit-elle, avec sa façon étrange de changer brutalement de comportement, qui était si attirant pour moi et si inexplicable pour tous les autres. Malgré mes protestations, elle refusa d'écouter d'autres paroles ou de répondre à d'autres questions, et par la force des choses, je dus aller dans ma chambre. Le lendemain matin, je vis sa gracieuse silhouette, impeccablement vêtue d'une robe faite sur mesure, se tenir près de mon lit à une heure très matinale. « Pourquoi ? Quelle heure est-il ? » bredouillai-je, soudainement réveillée. « Trop tôt pour que tu te lèves, » répondit-elle tranquillement. « Je vais à la messe matinale au couvent catholique qui se trouve à proximité. »« À la messe au couvent catholique ? » Oui, ne répète pas tout ce que je dis, Mary. C'est idiot et cela fait perdre du temps. Je me suis présentée dans ce quartier comme l'américaine, Madame Silas A. Hogan, dont la voiture est tombée en panne et est réparée à Newcastle, tandis que moi, sa propriétaire, je m'amuse à admirer les beautés du quartier. Étant catholique, je vais d'abord à la messe et, ayant rencontré Lady d'Albuquerque une fois à Londres, je vais ensuite lui rendre une visite respectueuse. À mon retour, nous prendrons le petit déjeuner ensemble. Entre-temps, tu pourrais essayer de faire la connaissance de Mademoiselle Joan Duplessis, qui demeure ici, et lui demander de se joindre à nous pour le petit déjeuner. » Elle était partie avant que je puisse faire une autre remarque, et je n'ai pu qu'obéir instantanément à la lettre. Une heure plus tard, je vis Mademoiselle Joan Duplessis se promener dans le jardin de l'hôtel. Il ne fut pas difficile de passer le temps avec la jeune fille qui semblait s'égayer d'avoir quelqu'un à qui parler. Nous parlâmes du temps qu'il faisait et ainsi de suite, et j'évitai résolument le sujet de la tragédie du château de Fordwich jusqu'au retour de Lady Molly vers 10 heures. Elle revint, aussi élégante, aussi sûre d'elle que lorsqu'elle était partie 3 heures plus tôt. Seul moi qui la connaissais si bien, j'avais remarqué l'éclat du triomphe dans ses yeux et je sus qu'elle n'avait pas échoué. Elle était accompagnée de Pegram qui, cependant, la quitta immédiatement pour entrer dans l'hôtel tandis qu'elle nous rejoignait dans le jardin et, après quelques mots gracieux, se présenta à Mademoiselle Joan Duplessis et lui demanda de se joindre à nous dans la salle de café à l'étage. La salle était vide et nous nous mîmes à table, moi frémissant d'excitation et attendant les événements. Par la fenêtre ouverte, je vis Elliot marcher rapidement dans la rue du village. La serveuse partit et, comme j'étais trop excité pour manger ou parler, Lady Molly entama une conversation avec Mademoiselle Joan, l'interrogeant sur sa vie aux Indes et sur son père, le capitaine Duplessis. Joan admit qu'elle avait toujours été la préférée de son père. « Il n'a jamais aimé Henriette, en quelque sorte, » expliqua-t-elle. Lady Molly lui demanda quand elle avait rencontré Rounin pour la première fois. « Elle est venue à la maison quand ma mère est morte, » répondit Joan, « et elle s'est occupée de moi quand j'étais bébé. » À Pondichéry, personne n'avait trouvé étrange qu'elle vienne en tant que servante dans une maison d'officier où sa propre sœur régnait en maîtresse. Pondichéry est une colonie française et les manières et les coutumes y sont souvent très particulières. José lui demandait quels étaient ses projets d'avenir. « Eh bien, répondit-elle avec une grande tristesse, je ne peux évidemment rien faire tant que ma tante est en vie. Je ne peux pas la forcer à me laisser vivre à Fordwich ou à me reconnaître comme son héritière. Après sa mort, si ma sœur prend le titre et la fortune des d'Albuquerque, ajouta-t-elle, tandis qu'une étrange expression de vengeance, presque de haine et de cruauté, marquait soudain son visage poupin, alors je ferai revivre l'histoire de la tragédie de la mort de Rounin et j'espère que l'opinion publique... Elle s'arrêta ici dans son discours et moi, qui regardais par la fenêtre, je tournai les yeux vers elle. Elle était d'une pâleur extrême, regardant fixement devant elle. Ses mains avaient lâché le couteau et la fourchette qu'elle tenait. Je vis alors que Pegram était entré dans la pièce, qu'il s'était approché de la table et avait déposé un paquet de papier dans la main de Lady Molly. La suite se déroulant en un éclair. Il y eut un grand cri de désespoir, comme un animal en fuite, un cri strident, suivi d'un profond « Non, vous ne pouvez pas !» de la part de Pegram, et avant que quiconque ait pu l'en empêcher, la jeune et gracieuse silhouette de Joan se décida en un moment fugace à travers la fenêtre ouverte. L'instant d'après, elle disparaissait au loin et nous entendîmes un bruit sourd qui me glaça presque le sang dans les veines. Pegram sortit de la pièce en courant, mais Lady Molly resta assise sans bouger. « J'ai réussi à laver le nom des innocents, » dit-elle tranquillement, « mais la coupable s'est infligée son propre châtiment. « Alors, c'est elle ? » murmurai-je, horrifié. « Oui, je m'en suis douté dès le début, » répondit calmement Lady Molly. « C'est la conversion de Runa au catholicisme et son changement de comportement qui m'ont donné le premier indice. » « Mais pourquoi ? Pourquoi ? » murmurai-je. « Une raison simple, Mary, » répondit-elle en tapotant le paquet de papier de sa main délicate. Et, rompant la ficelle qui retenait les lettres, elle les étala sur la table. Toute l'affaire était une fraude du début à la fin. Le certificat de mariage de la femme était correct, bien sûr, mais je me suis méfié de l'authenticité des autres documents dès que j'ai appris que Runa ne voulait pas s'en séparer et ne permettait pas à M. McKinley de s'en charger. Je suis certaine que l'idée de départ n'était qu'un chantage. Les documents ne devaient servir qu'à extorquer de l'argent à la vieille dame et il n'était pas question de les porter devant les tribunaux. Le rôle de Runa était, bien sûr, la chose la plus importante dans toute l'affaire, puisqu'elle était prête à jurer de la date réelle de la mort de la première madame Duplessis. L'initiative, bien sûr, a pu venir soit de John, soit du capitaine Duplessis lui-même, par haine de la famille qui ne voulait rien savoir de lui et de sa fille cadette préférée. Cela, bien sûr, nous ne le saurons jamais. Au début, Runa était une Parsie, dévouée comme un chien à la fille qu'elle avait soignée lorsqu'elle était bébé et qui, sans aucun doute, lui avait bien appris le rôle qu'elle devait jouer. Mais elle devint bientôt catholique, une ardente convertie, rappelez-vous, avec toute la peur du feu de l'enfer d'une catholique. Je suis allée au couvent ce matin. J'ai entendu le sermon du prêtre et je me suis rendu compte de l'influence que son éloquence a dû avoir sur la pauvre Runa, ignorante et superstitieuse. Elle était encore prête à mourir pour sa jeune maîtresse, mais elle n'était plus disposée à se parjurer pour elle. Après la messe, je me suis rendue au château de Fordwich. J'ai expliqué ma position à la vieille lady d'Albuquerque qui m'a emmenée dans la chambre où Runa avait dormi et était morte. J'y ai trouvé deux choses, poursuivit Lady Molly, en ouvrant l'élégant réticule qui pend toujours à son bras et en plaçant devant moi une grosse clé et un livre de prières. La clé, je l'ai trouvée dans un tiroir d'une vieille armoire, dans le dressing-room où Runa dormait, avec toutes sortes de bricoles appartenant à la malheureuse femme, et en allant à la porte qui menait à ce qui avait été la chambre de John, j'ai constaté qu'elle était fermée à clé et que cette clé s'insérait dans la serrure. Runa avait elle-même fermé cette porte de son côté, elle avait peur de sa maîtresse. Je savais maintenant que ma supposition était exacte. Le livre de prière est un livre catholique. On y trouve de nombreuses marques de pouces aux endroits où les faux serments et les mensonges sont dénoncés comme des péchés mortels pour lesquels le feu de l'enfer serait la punition. Runa, terrorisée par la peur du surnaturel, nouvellement convertie à la foi, eut peur de commettre un péché mortel. Qui sait ce qui s'est passé entre les deux femmes dont la fin a été si violente et si terrible? Qui peut dire quelle prière, quelle larme, quelle persuasion John Duplessis a employée depuis le moment où elle s'est aperçue que Runa n'avait pas l'intention de faire le parjure qui aurait apporté à sa maîtresse richesse et éclat, jusqu'au jour affreux où elle a enfin compris que Runa ne tiendrait même plus sa langue et où elle a imaginé un moyen terrible de la faire taire à tout jamais. C'est avec cette certitude que je me suis lancé dans mon grand coup. J'étais si sûre de moi, vois-tu. J'ai fait parler John ici pendant que j'envoyais Pegram dans sa chambre avec l'ordre de forcer les serrures de son sac à main et de sa valise de toilette. Je t'ai dit que, si je me trompais, je serais probablement renvoyé de la police pour irrégularité, car je n'avais évidemment pas le droit de faire cela. Mais si Pegram trouvait les papiers là où j'étais sûr qu'ils se trouveraient, nous pourrions traduire la meurtrière en justice. Je connais assez bien la gent féminine, n'est-ce pas, Mary? Je savais que John Duplessis n'avait pas détruit et ne détruirait jamais ses papiers. » Pendant que Lady Molly parlait, nous entendions des pas lourds à l'extérieur du passage. Je courus à la porte et je fus accueilli par Pegram. « Elle est tout à fait morte, mademoiselle, » dit-il. « C'était une chute de 12 mètres et un trottoir de pierre en bas. » La coupable s'était en effet infligé son propre châtiment. Lady d'Albuquerque envoya à Lady Molly un chèque de 5 000 livres sterling le jour où l'affaire fut rendue publique. « Je pense que vous direz que ce chèque a été bien mérité. » De ses propres mains, ma chère Lady avait levé le voile qui pesait sur la tragédie de Fordwich Castle et, avec la découverte des papiers dans le sac de toilette du John Duplessis et le suicide de la malheureuse, le meurtre de l'Indienne n'était plus un mystère.